Nous avons déjà entendu parler aujourd'hui des relations politiques entre Versailles et Vienne, et nous entendrons encore. Et ces relations politiques avaient été caractérisées dès le temps de Charles Quint jusqu'au renversement des alliances par une inimitié permanente. Cette vindicte terrible entre les deux cours avait énormément touché le duché de Lorraine, dont les liens avec la maison de Habsbourg trouvaient leurs origines assez haut dans le passé. Ces liens étaient fondés sur des alliances matrimoniales et assez souvent, comme du temps de Charles V de Lorraine, j'en parlerai encore, sur une même conception politique de l'Europe profondément marquée par la religion catholique. Et assez souvent, c'était la lutte contre le voisin puissant à l'ouest, contre la France, qui les ralliait. Permettez-moi donc de jeter un coup d'œil sur ces frictions qui occupaient les Lorrains et les Habsbourg pendant des siècles. À vrai dire, la Lorraine occupait un emplacement géographique vraiment inconfortable entre le royaume de France et le Saint-Empire, dont en plus, sur ce territoire, se rencontrèrent des routes militaires importantes. Ainsi, les ducs étaient obligés de trouver le bon chemin entre neutralité et prise de parti, et souvent, ils cherchèrent l'appui auprès des Habsbourg. En effet, voilà déjà en 1305 qu'est contracté le mariage entre Isabelle d'Autriche, fille d'Albert Ier, roi des Romains, et le futur duc Ferry IV. Néanmoins, leur fils, le duc Raoul, trouva la mort dans les rangs français en 1346 à la bataille de Crécy. Mais la France étant déchirée en ce temps-là par la guerre de Cent Ans, en ce temps-là, la famille ducale renforça les relations tantôt vers le Saint-Empire, tantôt vers la maison de Habsbourg. L'union du roi René avec Isabelle de Lorraine permettait de récupérer le riche duché de Bar, mais à la suite, ce nouvel État lorrain se retrouva pour plus d'un siècle entraîné dans l'orbite française. Ces tentatives d'incorporation furent terminées par la victoire du duc de Lorraine sur Charles le Téméraire. C'était René II, appelé le Victorieux, qui mit fin à l'expansionnisme du duc de Bourgogne et permetta ainsi, sans l'avoir intentionné évidemment, aux Habsbourg de faire le riche héritage de la Bourgogne. L'archiduc Maximilien épousait Marie, fille unique de Charles le Téméraire, et nous avons entendu ce matin l'importance de cet héritage bourguignon pour la famille habsbourgeoise. Dès le début du XVIe siècle, l'Empire ottoman commença à faire pression d'abord dans l'Europe de l'Est et puis devant les murs de Vienne. La ville fut assiégée pour la première fois en 1529. C'est le comte Nicolas de Salm, dont le comté était enclavé en Lorraine, qui devint gouverneur de Vienne. Avec 22 000 hommes, il repoussa 120 000 janissaires du sultan, mais il y trouva la mort, il est enterré à Vienne. En ce temps-là, d'autres princes lorrains regardaient au-dehors des frontières pour trouver gloire et fortune. Ce fut le début de l'ascension de la famille de Guise, branche cadette de la famille ducale qui fit carrière en France. Antoine de Lorraine, qui régnait dans la première moitié du XVIe siècle, était lui-même un allié de la France et marié à René de Bourbon. Pourtant, après la mort de la princesse, Antoine de Lorraine franchit le pas. Le roi de France, François Ier, l'ayant offensé par mille et une vexations, en particulier sur des questions de souveraineté, Antoine fit alliance avec Charles Quint. Pour le remercier, l'empereur lui donna sa nièce comme épouse pour son fils aîné. Évidemment, la cour de France s'enragea contre ce mariage qui rapprochait si fort la Lorraine de la famille impériale. Les réactions étaient terribles. Le roi Henri II s'empara des trois évêchés, fiefs de l'Empire, et il fit enlever le jeune prince héritier pour que son éducation fût faite à la cour de France. Ainsi, le futur duc de Lorraine apprit aussi à connaître les rouages de la politique française, et sa vie durant, il observa une stricte neutralité entre la France et l'Empire. Tandis que le duc Henri II, appelé le Bon, se conforma tant qu'il put à cette ligne, le successeur Charles IV ne voulait plus accepter les contraintes. Pendant son règne, les choses arrivèrent à un tel point que le conflit se précipita directement vers la perte de la souveraineté des duchés. En refusant de rendre hommage à Louis XIII pour le barois mouvant, il lui donna ainsi prétexte pour occuper la Lorraine en 1633. Le duc et son armée partirent pour l'exil en Allemagne. Charles IV se mit au service de l'empereur et il participa à la Ligue catholique qui réunit les princes catholiques allemands et espagnols contre la France et ses alliés protestants. Avec son compagnon d'armes, François de Mercy, le duc remportait une des plus brillantes victoires à Fribourg contre l'armée française conduite par Turenne et le duc d'Enghien. Mais en tant que duc de Lorraine, la situation pour Charles IV était pire. Il n'avait pas d'héritier. Son frère, Nicolas François, était évêque de Toul et même cardinal. Il sacrifia sa carrière ecclésiastique pour épouser sa cousine Claude, qui était toujours prise en gage en Lorraine. Ainsi, par la faveur de la nuit et habillée en paysan, tous deux furent obligés de quitter clandestinement la Lorraine occupée. Ils trouvèrent refuge naturellement à la cour de Vienne, l'empereur leur offrant une hospitalité durable. Ainsi put naître à Vienne le 3 avril 1643 ce duc de Lorraine qui se mit, après certaines péripéties, au service de l'empereur. Léopold Ier le nomma en 1664 colonel propriétaire d'un régiment de cavalerie. Ses qualités militaires, la protection de sa tante, l'impératrice douairière, ses talents de société favorisent son ascension rapide. Lorsqu'il avait reçu en 1675 le commandement des armées coalisées contre la France, il n'eut alors plus qu'une seule pensée. Se venger des persécutions de sa famille et regagner le patrimoine de ses ancêtres. Il n'y arriva pas. Il s'attacha davantage à l'empereur qui, en 1678, lui donna sa sœur Éléonore Marie en mariage et le nomma gouverneur du Tyrol avec résidence au château de Innsbruck. L'archiduchesse Éléonore Marie avait conçu de bonne heure de l'inclination pour ce duc de Lorraine qui sut charmer toute la cour. Charles V de Lorraine était un homme cultivé, il parlait parfaitement le français, l'allemand, l'italien, il s'intéressait à l'art et à la culture du baroque. D'ailleurs, il a également charmé la cour de France. Pendant un court séjour, il avait juste 17 ans, on parlait de le marier avec Marguerite Louise d'Orléans, qui n'était autre que la fille de Marguerite de Lorraine, sœur de Charles IV, mariée à Gaston d'Orléans. Nous avons vu son charmant portrait et nous savons que maintenant qu'elle fut mariée après à Charles II d'Espagne, peut-être elle aurait été un peu plus heureuse avec Charles V de Lorraine. Mais la destinée étant décidée, Charles V de Lorraine partagea désormais sa vie entre les champs de bataille, sa famille à Innsbruck et à la cour impériale, tandis que son épouse mit au monde en 1679 le futur duc Léopold, qui avait pour parrain, évidemment, Léopold Ier, l'empereur. Le couple aura ensuite encore 5 enfants, tous demeurent en contact régulier avec la famille impériale. Les liens sont étroits. On se rencontre pour les fêtes de famille, les baptêmes, les noces, les deuils. Et pendant de longues années, les princes lorrains poursuivaient leurs études avec les futurs empereurs Joseph Ier et Charles VI. Le bon établissement de sa sœur et de son beau-frère était une affaire de cœur pour l'empereur. La Chambre des Finances leur doit accorder 170 000 florins chaque année. Ainsi, la maison civile du couple ducal comptait environ 130 personnes et la population de Innsbruck se réjouit de voir se reconstituer une véritable cour. Ceci relève le commerce, l'approvisionnement de la cour se fait dans la région et dans les pays voisins. Le couple ducal ranime aussi la vie culturelle, les représentations de théâtre, l'opéra, les ballets français et italiens, et tout ceci reflète un art de vivre calqué sur le style de la cour de Vienne. En 1680, à Innsbruck, Charles V de Lorraine fait la connaissance du père Marco d'Aviano. Sa grande piété le rend sensible à son influence, c'est à lui qu'il attribue l'adoucissement de sa santé assez médiocre. Le duc recommande le père chaudement à l'empereur à Vienne, il sera très apprécié et il participa avec acharnement à la lutte contre les infidèles. Charles V de Lorraine quitta assez souvent son agréable retraite, pour ainsi dire, pour sauver l'Empire, mis en péril par l'invasion des Turcs et la révolte des Hongrois. Il s'est distingué par une ardeur particulière dans la libération de Vienne assiégée. Avec le roi Jean Sobieski, il remporta l'éclatante victoire du 12 septembre 1683. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le prince Eugène de Savoie se mit au service habsbourgeois pour apprendre l'art de la guerre, et c'est lui qui jouera un rôle décisif dans la reconquête de la Hongrie et dans les futures batailles des impériaux, après le décès du duc Charles V. Car celui-ci n'aura plus la chance de conduire la campagne de 1690. Il fut surpris de la mort en 1690, en avril, lorsqu'il était en route pour Vienne. Il écrivit à l'empereur, je cite, « Sacrée Majesté, j'étais parti d'Innsbruck pour aller recevoir vos ordres, mais un plus grand maître m'appelle et je pars pour lui rendre compte d'une vie que je vous avais consacrée. Je supplie très humblement votre majesté de vous ressouvenir d'une femme qui vous touche d'assez près, d'enfants sans bien et des sujets dans l'oppression. » Fin de citation. Mais les chroniqueurs lorrains nous transmettent aussi un on-dit de Louis XIV. Selon eux, le roi aurait dit « J'ai perdu le plus grand, le plus sage et le plus généreux de mes ennemis ». Quoi qu'il en soit, c'est maintenant Éléonore Marie, duchesse de Lorraine et sœur de l'empereur, qui prit le gouvernail pour faire restituer la Lorraine à son fils aîné. Finalement, en 1697, Louis XIV dut concéder la restitution de la Lorraine par le traité de Ryswick. Mais le roi de France se conservait non seulement les trois évêchés Metz, Toul et Verdun, il se réserva aussi le libre passage pour ses troupes en cas de guerre, ce qui se produisit en 1702. La situation des ducs de Lorraine restait humiliante. Étant arrivée à ses fins, Éléonore Marie meurt à Vienne en décembre 1697, sans connaître la joie d'assister au retour de son fils dans ses états. Ce jeune duc de Lorraine, qui fit son entrée solennelle à Nancy en avril 1698, accompagné de son jeune frère François, incarnait l'idéal d'un prince si longtemps regretté. Il était jeune, actif, prudent et pieux. Avec lui revenait la vieille dynastie légitime et par le spectacle somptueux, il ranimait le souvenir du temps des ducs glorieux. Au cours de la même année, Léopold épouse Élisabeth Charlotte d'Orléans, nièce de Louis XIV, de 3 ans plus âgée que lui. C'est le roi lui-même qui a imposé le mariage et Léopold espérait pouvoir améliorer les relations avec le voisin tout puissant. Mais Louis XIV, évidemment, saisit toutes les occasions pour humilier le chef du modeste état lorrain. Il ne lui épargna pas l'obligation de prêter hommage pour le baroi mouvant en 1699. Et au début de la guerre de succession d'Espagne, le roi fit entrer ses troupes et occupa Nancy. Dans une lettre adressée au duc, qu'il appela son frère et neveu, Louis XIV écrit qu'il, je cite, « donne de si bons ordres à mes troupes que vos sujets n'en recevront aucun dommage, mais au contraire, toutes sortes de secours et de protections ». Fin de citation. Léopold, atteint dans son honneur et frappé par le cynisme du roi, avait essayé d'observer une sage neutralité. Maintenant, il ne voulait pas voir sa capitale occupée par les soldats français et il transporta sa cour à Lunéville. Sans se lasser, le duc répéta ses prétentions. Je cite la lettre qu'il adressait à Louis XIV en septembre 1704. Les armées de votre majesté et celles de ses ennemis s'approchant de mes états font que je me trouve dans l'obligation de tout employer pour la conservation de mes peuples en gardant comme je fais la neutralité dans laquelle votre majesté a trouvé bon que je me maintienne. Pour y parvenir, j'ose, Monseigneur, supplier votre majesté pour qu'elle veuille bien me continuer sa protection en ordonnant à ses généraux d'épargner mes états et mes peuples. » Quoique Léopold de Lorraine essayât de maintenir sa vie durant l'équilibre entre la France et le Saint-Empire sans sembler pencher ni prendre un parti plutôt que l'autre, il avait, étant chef de sa maison, l'obligation de trouver des établissements pour ses frères, pour ses enfants. Tandis que le prince Joseph Innocent, né en 1685, était resté à la cour impériale pour se vouer à une carrière militaire. Pour les deux autres princes, Charles-Joseph, né en 1680, et François-Antoine, né en 1689, Léopold ne voyait qu'une seule possibilité, c'est de leur procurer des bénéfices ecclésiastiques. Déjà le père, duc et généralissime des troupes impériales, profita de sa position éminente pour doter ses fils puînés. À l'âge de 7 ans, Charles-Joseph était déjà chanoine à Cologne et il poursuivit rapidement la carrière ecclésiastique. Évêque d'Olmütz en 1690, puis d'Osnabrück, puis coadjuteur de Trèves en 1710. Élu électeur de Trèves l'année suivante, Charles-Joseph en tira davantage pour l'élection de son parent habsbourgeois, Charles VI, qui est devenu empereur en 1711. Quant à son frère François-Antoine, l'établissement était beaucoup plus difficile. Léopold de Lorraine essayait de le faire nommer coadjuteur de Cologne, de Paderborn, d'Augsbourg, tout échoua. Et il écrivait lui-même à son frère Charles-Joseph, je cite, « Jusqu'à présent, nos desseins pour faire à notre frère un établissement dans l'état ecclésiastique ont eu peu de succès. La cour de Rome nous est absolument contraire et comme l'empereur même ne nous semble pas soutenir, il faudrait penser que l'on puisse faire une alliance avec la maison d'Autriche. » Le mariage de notre frère avec la nièce de l'empereur serait préférable à celui de la sœur. Dans ce cas-là, Léopold proposa à Charles-Joseph de sonder la possibilité d'obtenir le gouvernement du Tyrol. Mais tout ceci échoua. Évidemment, il y avait à la cour de Rome un parti français et le délégué lorrain fit remarquer au duc que leur influence était éminente. Mais certainement, c'est aussi le cas de Léopold qui mit Clément XI en colère et l'empêchait de soutenir les efforts du duc. En tout cas, toutes les initiatives échouèrent. Le prince François-Antoine dut se contenter d'être abbé de Stavelot et de Malmedy. Il mourut comme son frère Charles-Joseph en 1715. Après la disparition simultanée de ses deux frères, le duc Léopold s'efforça par tous les moyens possibles de mener à bien ce qu'il appela la grande affaire de Lorraine, un nouveau mariage entre les deux maisons. Dès la naissance de Marie-Thérèse en 1717, il offrit d'abord son fils aîné, Léopold Clément. La mort prématurée du jeune prince libéra le terrain pour le frère cadet. François-Antoine Étienne quitta son pays en 1723 à l'âge de 15 ans pour se présenter à Charles VI à Prague lors du couronnement comme roi de Bohême. Nous connaissons la suite. Un historien anonyme décrivait parfaitement les conjonctures politiques en 1729. Je cite « Il est certain que l'appui que les ducs de Lorraine avaient toujours trouvé auprès des empereurs de la maison d'Autriche n'a pas peu servi au maintien de ce petit État, de sorte que l'on peut dire qu'il est de la dernière conséquence pour un duc de Lorraine d'entretenir bonne et étroite intelligence avec la cour impériale sans cependant blesser celle de la France. » Fin de citation. Et dans une lettre à son frère Charles-Joseph, Léopold de Lorraine déclara franchement qu'on ne peut s'imaginer que moi ou ceux qui viendront après moi puissent jamais être portés pour la France, là où on n'a jamais cherché qu'opprimer notre maison, à nous ôter toujours et à ne jamais rien donner, à nous rendre aucune justice et à faire le plus de mal que l'on peut à mes sujets avec une envie démesurée, sans le cacher, de se rendre maître de ce pays-ci. » Fin de citation. En 1737, la politique française arriva à sa fin. Pour terminer la guerre de succession de Pologne, le cardinal Fleury réclama dans les conditions de paix la cession de la Lorraine en acceptant la succession de la fille aînée de Charles VI dans les pays de la maison d'Autriche. François III de Lorraine dut accepter le marchandage. Pour la Lorraine, l'annexion à la France fut un tragique malheur. Du rang d'État souverain, elle fut réduite à celui de province française, elle perdit sa dimension internationale et une grande partie de ses facultés spirituelles par l'exode des artistes, savants, érudits. On retrouve leurs traces encore aujourd'hui. Je vous remercie.